Bonsoir à tous et à toutes, messieurs, dames, bienvenue au plateau de la rue Cognac G pour une soirée de variété française. Donc nous allons retrouver tous nos artistes nationaux. Et sans plus attendre, je ne le présente plus, il est là avec nous, mesdames, c'est Marc Lavoine. Lavoine. Je l'aime bien. Oui, j'ai le flow revolver. Oui, j'ai la rime qui tue. J'ai rappé le premier. J't'ai touché, t'es foutu. Ah oui, j'ai le flow revolver. Oui, j'ai la rime qui tue. J'ai rappé le premier. J't'ai touché, t'es foutu. Standing ovation, mesdames et messieurs, pour notre ami Marc Lavoine. Mesdames, calmez vos ardeurs. Donc la soirée ne fait que débuter. Comme je l'avais prévu, la variété française est à la rue Cognac G. Un artiste qu'on ne présente plus, mesdames et messieurs, l'honneur, le privilège, je dirais même, d'accueillir ce soir Abderrahmane Brelli. Dans les caves de mon bloc, il y a des gamins qui vendent la drogue aux bourgeois sous le nez des gendarmes. Dans les caves de mon bloc, il y a des darons qui prient sur des tapis pourris l'ablution à l'eau froide. Dans les caves de mon bloc, il y a des darons qui montent des sachets de course, mais sans ascenseur. Dans les caves de mon bloc, je passe mes nuits à rapper, ma jeunesse bousillée par l'échec scolaire. Dans les caves de mon bloc, dans les caves de mon bloc, dans les caves de mon bloc, je t'en parle les couilles de mon bloc. Mais non, monsieur Abderrahmane, je vous en prie, regagnez votre sang-froid. C'est les aléas du direct, mesdames et mesdames, on s'excuse. Nous sommes toujours à la rue Cognac G. Ben disons que vous venez de passer un moment historique, le pétage de plomb d'Abderrahmane, mais oh, ça passera quand même. Alors ce soir, nous continuons la soirée. Donc, sans plus attendre, Karen Cheryl. Karen, tu es ma chérie. Chérie Coco.